إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن ذلك اليوم بإذن الله تعالى سندخل في درس أسبوعي كل جمعة في تعليقات على هذا المتن المبارك العظيم الذي هو الأربعون النووية، هذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي التي تكون شاملة على أهم أمور الدين. هذا الكتاب هو صغير الحجم وكبير المعنى والفوائد، ومن ألفه المؤلفون لزمننا هذا، ما زال العلماء والطلاب العلم يتبادلونه ويدرسونه ويعلقون عليه ويحفظونه مما يكون فيه من الفوائد العظيمة. فنحن سنمشي على ماذا؟ تعليق مختصر إن شاء الله على كل حديث، وسنعتمد شيئا ما على شرح ذاك الإمام صالح الفوزان حفظه الله تعالى، علما بأننا لن نقرأ كل ما كتب وما قال، لكن نأخذ الأهم مما يفيدنا بإذن الله تعالى. نعم. فبدأ المؤلف رحمه الله بالحديث الأول، قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. والحديث متفق عليه. فالمؤلف بدأ بهذا الحديث لأنه فتح أو باب لكل عمل من حيث القبول عند الله سبحانه وتعالى. في حديث un pilier parmi les piliers des actes. حتى قال بعض السلف أنه ينبغي لكل من يؤلف أن يبدأ بهذا الحديث. Que chaque personne qui viendrait à écrire un livre qu'il commence chaque chapitre par ce hadith. وهذا الذي فعله الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ بهذا الحديث في كتابه صحيح البخاري، بدأ بهذا الحديث من هذا الباب pour faire un rappel de l'importance de l'attention dans les actes. Donc ce hadith, dont la traduction serait que les actes ne valent que pas les intentions et que chacun soit rétribué en fonction de son intention. Celui dont la hijra vers Allah et son messager, celui dont la hijra était vers Allah et son messager, alors sa hijra sera comptée comme telle. Et celui dont la hijra était en vue d'épouser une femme ou d'obtenir des biens de ce monde, sa hijra sera comptée comme telle. Naam. Fauna lafz innama. إنما كما ذكر العلماء هذا من عادة الحصر لمو كي أبل إنرستكسيون على فاز كنو تجري بحسلما كما لا تخدوي إنما العمل بنياء إكو لزاك نوال كو بار لتنسيون كما قال تعالى قل إنما نبشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إنما نبشر مثلكم je ne suis qu'un homme comme vous auquel il est révélé أنما إلهكم que votre divinité n'est qu'une seule divinité. فإنما يأتي بهذا المعنى. والأعمال هنا وجمع عمل. أعمال جمع عمل. وهنا المقصود من هذه الأعمال ce sont les عبادات. العبادات. Celles sur lesquelles on tire une récompense. لأن العبادة تحتاج إلى النية. العبادة تحتاج إلى النية. Le hadith ne concerne pas vraiment en soi les a'mal al-dunyawiyya wal-'adiyya, هنا المقصود الأول هو العبادات التي بها يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا prendre sa voiture, comme le cite l'auteur, le shir par la suite, ça ne demande pas de niya. Mettre des vêtements, bien que ce soit demandé shal'an, ça ne demande pas de niya. À partir du moment où tu as couvert ta awra, tu as fait ce qui t'était ordonné. Boire de l'eau quand tu as soif, ça ne demande pas de niya. Quand même, manger quand tu as faim, kazalik. فقال إنما الأعمال بالنيات والنيات جمع نية وهنا هو القصد l'intention, l'objectif. Donc ces actes ne sont acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont pris en compte qu'en mesure de ta niya. Donc si ta niya est bonne, c'est-à-dire que في عملك تخلص عملك لوجه الله تعالى فهي مقبولة من جانب d'une part لأن العمل يحتاج إلى شرطين أساسيين أولا النية تمام première condition c'est l'intention on parle du musulman maintenant le kafir il peut avoir نية ce qu'il veut c'est pas مقبول première condition c'est هذا الحديث النية والثاني سيأتي بعدين هو الموافقة المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم que ton acte il soit en conformité avec la révélation avec la sunna du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم على سيأتي إن شاء الله في حديث عائشة. Donc là, l'auteur montre cela. Ça, c'est l'une des parties à comprendre du hadith. ثم سنذكر الوجه الثاني منه. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. Que chacun ne soit rétribué qu'en fonction de son intention. Qu'en fonction de son intention. الأعمال بالمقاصد. C'est-à-dire que ton acte est pris en compte par rapport à ton intention. ما معنى هذا؟ que une chose qui à la base est mubah, permise, tu peux en tirer une récompense. À quel moment? En mesure de ton intention. Là, on parle de choses permises de base. العبادة لابد فيها من نية وليه مردودة. أما toi, بفضل الله تعالى, en tant que مؤمن, quand tu أجر على شيء on ne t'a pas imposé en religion, mais malgré tout, tu peux en tirer une récompense. Comment? En ayant une bonne niya. Mathalan, Charles, tout à l'heure, on a cité l'exemple de la voiture. Celui qui prend la voiture pour aller acheter quelque chose, bonne niya, c'est un acte mubah. Maintenant, il prend sa voiture pour aller acheter à manger pour sa famille. Ta'atan lillah, liyan Allah awjaba alayhi nafaqa ala ahli. يؤجر كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجهل في امرأتك que tu ne chercheras pas à dépenser de l'argent une dépense par laquelle tu recherches le visage d'Allah sans que tu ne sois récompensé, ne serait-ce que tu mettrais dans la bouche de ta femme, comme nourriture. Ta niya, c'est quoi à ce moment-là? Que tu la nourrisses, parce que Allah a dit que tu dois nourrir ta famille. Donc si tu ne fais pas de niya, ta femme, tu la nourris. C'est accepté. Mais si jamais tu mets niya, tu as une récompense plus grande encore. Adri Usama l'irtisab. L'irtisab, c'est-à-dire le fait de faire un acte en cherchant la récompense. Kafi hadith Abi Huraira, qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, مثلا في الذي يخرج يتوضا فيصن الوضوء ويخرج للصلاه وما يريد الى الصلاه فلم يخطو خطوه الا رفع بها درجه وخطه عنه من خطيئته que celui qui fait bien le wudu chez lui après qu'il sort de chez lui pour la salat et que sa sortie n'est que pour la salat alors il ne fera pas un pas sans qu'il sera élevé en degré par ce pas et qu'il sera effacé des péchés à chaque pas ça c'est à quel moment إذا خرج من بيته محتسبا الأجر من الله عز وجل يصعد شليه pour aller au masjid. Donc là il fait l'irtisab. Il sort pas pour aller faire autre chose. Il sort pour ça. Dans son cœur, il met une niya. Je sors de chez moi pour aller au masjid faire la salat parce que Allah عز وجل me l'a imposé. À ce moment-là, chaque pas qu'il fait, il en tient une récompense. لهذا النية على شيء مهم جدا. وكثير n'arfala anhu. On est très inattentif à cela. Combien de hajj qui nous échappe du fait qu'on ne pense pas à cela? On ne prend pas de péché, ça, mais on ne prend pas non plus de récompense. Et nous sommes en grand besoin d'avoir des récompenses, bien évidemment. Comme a dit Ta'ala, « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا » Que cependant, il aurait été ordonné que d'adorer Allah en lui, vouant un culte exclusif. « هَذَا يُوَافِقَ دَ الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ عَدَ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى مَاذَا عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي الْعَمَلِ » Que par ton acte, tu ne recherches que Allah subhanahu wa ta'ala. « إِنَّمَا الْعَمَلِ بِالنِّيَّةِ » C'est quoi ta niya ? Plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. « بِيَدِ الْعِبَادَةِ » Et même, comme on l'a dit, un acte permis peut devenir une adoration avec ta niya. « كَمَا كَنَا يَكُنْ بَعْلَ السَّلَفْ أَنَا أَحْتَسِبْ نَوْمَتِي وَكْلَتِي » C'est-à-dire, quand je dors, même quand je dors, je mets une niya de me reposer pour pouvoir être plus fort par la suite pour adorer Allah. Quand je mange pour être plus fort pour pouvoir par la suite adorer Allah. En faisant cela, pour une récompense. Et ce hadith incite كذلك à l'ikhlas al-niyya, que ton intention ne soit que pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce que tu fais comme adoration. Sans quoi, tu tombes dans le riya, l'ostentation, qui fait que si c'est le riya al-kubra, yani al-akbar majeur, tu sors de l'islam. Si jamais c'est le mineur, l'acte que tu as fait, il est annulé. Après, ça dépend du niveau de riya et ça, ada beb aha. Quand même. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال انا اغنى الشركاء فمن اشرك معي غير فتركته هو وشركه que Allah il a dit je suis le plus riche des associés, c'est-à-dire je me passe des autres, et celui qui associe quoi que ce soit avec moi dans ce qu'il fait, je délaisse lui, et c'est pourquoi il a associé. Donc ce riya قد يخرجك من الدين بكلية اذا كان اكبر وقد يجعل عملك محبوطا غير مقبولا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. Refuser et rejeter. Cela à cause de quoi ? De l'intention. À cause de quoi ? De l'intention. Et ça, c'est un bab muhim jidda nasiyama lis salafiyin. لأن السلفي ترى السلفي ترى أنه في الغالب dans beaucoup de cas, de façon générale, il évite les grands péchés. À la base, salafi, il évite les grands péchés. Tu ne vois pas faire des choses, d'accord, qui amènent à entacher son image déjà auprès des gens, et surtout les choses qui nuisent à sa religion déjà en lui-même. Par exemple, tu ne verras pas un salafi écouter de la musique. Tu ne verras pas un salafi draguer des femmes. Ouvertement. Tu ne verras pas aller plus loin que les conséquences de la drague. Tu vois ce que je veux dire. Tu ne verras pas voler. Tu ne verras pas escroquer. Normalement, tu ne verras pas mentir. On parle de façon générale. Maintenant, il y en a, ils le font. Il y en a, ils le font même impunément. Et ceux-là, en général, sont une minorité. Al-Muhim, tu le vois éviter beaucoup de choses parmi les kaba'ir. T'as même ? Mais là où il y a un bab khatir sur lui, Hadha al-bab, al-niyya. Quand il fait une chose, que ce soit talab al-ilm, que ce soit ibadah, que ce soit sadaqa, comme dans le hadith qui va venir par la suite, qu'il fasse attention à sa niya. Car Shaitan, comme tu sais, wa lakum adun mubin. Il peut dire, je ne t'ai pas eu sur ce côté-là de fawahish, de turpitude, mais je te vois de l'autre côté, celui de la niya. Tu fais un acte de bien, je vais te pousser à ce que tu fasses bien, à ce que tu cherches à ce qu'on fasse ton éloge. Et ça, c'est très dangereux. Min akb, yani, akhtar shi al sunnati wa jama'a fi amalihim, aza la niya, et un péché également qui est presque impossible, on va dire, les marchands d'Allah à éviter, le riba. Cela, souvent, on n'y échappe pas. Tu vois, on n'y échappe pas. Donc, pour ça, il y a besoin de ijtihad. Jahid anfusana fi hada. L'intention. Car par la suite, justement, Cheikh Al-Fawzan, il cite le hadith, le fameux hadith. وهذا الحديث متفق عليه وأظن من بخاري بدأ به في صحيحه قال إن أول الناس يقضى في يوم القيامة ثلاثة les trois premiers qui rendront les comptes le jour de la résurrection, trois sortes de personnes, les premiers رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها له. Donc le premier, c'est un homme qui a combattu fi sabilillah et qui a été tué. que Allah lui fera connaître ses bienfaits sur lui. C'est-à-dire de lui avoir permis de pouvoir aller combattre, d'accord ? De pouvoir avoir tué de l'ennemi. Et après, il s'est fait tuer par l'ennemi. فَقَالَ وَمَا عَلِمْتَ فِيهَا. C'est-à-dire, c'est le bienfait que je t'ai donné. Qu'en as-tu fait ? Ce que je t'ai permis de faire. قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى قُتِلْتَ. Il a dit, j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je me fasse tuer moi-même. C'est-à-dire, c'est le bienfait que tu m'as donné comme force, comme courage, comme moyen d'être armé, ce genre de choses, et d'avoir l'occasion de faire face à un ennemi de façon légiférée. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait tellement que, au final, j'en ai été tué moi-même. فَقَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ الْيُقَالُ وَجَرِيٌّ فَقَتْقِلْ. Et Allah lui dit, ah, tu as menti. Tu as fait cela pour qu'on dise que tu es courageux. Et ça a été dit de toi. Car après la mort, les gens ne connaissent pas la niya des cœurs des gens. Ils ont vu un frère, mashallah, en avant, qui combat. D'accord ? Fort dans le combat, après s'est fait tuer. Tout le monde dit, mashallah, shahid, kada, kada, kada, kada. C'est pour ça, lorsqu'on parle de quelqu'un qui s'est fait tuer, on dit, narsabuhum, narsabuhu kadhalik. On ne dit pas mutlakan, c'est un shahid. Tu vois ? Ala zahir, na'mal alayhi, ahkam al-shahid. Dans cette dunya, on applique sur lui les règles du shahid. On ne lave pas, on ne fait pas salat sur lui, wa kada. Et on espère pour lui le khayr. D'accord ? Cependant, après, c'est un niya bainahu bain Allah subhanahu wa ta'ala. Son intention, on ne la connaît pas. D'ailleurs, il y a le hadith d'Abu Huraira, de cet homme qui combattait, qui a poursuivi les sahaba, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa fi nar. Il est au feu, celui-là. Hatta an ta'ajjab bi sahaba ibn hada. Comment ? Lui, il est au feu. Et tout ce qu'il fait, wa hadum qala ana sahibuhu. Je vais le suivre pour voir ce qu'il en est. Il a suivi. Qala fama iza aslaha ma'ahu. Ou ista waqafa tawaqafa ma'ahu. À chaque fois que cet homme-là partait au combat en avant, l'autre le suivait. Dès que ça a été, il s'arrête avec lui. Hatta jurih jarhan shadida fajaza. Il a été blessé d'une blessure grave. Fa stajal al maut. Il n'a pas patienté, il s'est suicidé en mettant son épée par terre et en se renfonçant dessus. Thumma akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi dhalik. Il a informé de ce qu'il a vu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala nada bilalan. Il a appelé Bilal, il a dit, appelle les gens. Thumma qala inna rajula la ya'malu bi 'amal al al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min al-nar. Que tu vois un homme qui œuvre des œuvres des gens du paradis dans ce qui apparaît aux yeux des gens alors qu'il est parmi les gens du feu. Et regardez, dans un autre riwaya, il dit quoi ? Inna Allah lansuru hada din bi rajul al-fajir. Que Allah peut sauver sa religion par un homme débauché. C'est-à-dire, cet homme-là est une cause. Lui, ça nie entre lui, Allah Azza wa Jal, c'est entre lui. Mais de façon générale, ça arrive aux musulmans ce qu'il a fait. Il a fait un acte qui sert aux musulmans. Lui, ça ne sert à rien du tout à lui, mais ça servait aux autres. Tu vois ? C'est-à-dire, il y a une hikmah derrière, malgré tout. Al-Shahid ibn Hada, que l'attention de la personne, tu ne la connais pas. Comme le Jannah, le paradis, l'enfer, à part un kafir qui est mort, lui on dit il est au feu. Mashurur, yajouz. Amal mu'min, on ne sait pas. Si on a vu de lui que c'était quelqu'un de salih, de mustaqim, narjoulahu. Si on a vu ghayr zalika, narcha alayh. Mais qu'on dit lui, il est au feu, ou lui, il est en enfer, ça on ne peut pas. Illa bid-dalil. Illa bid-dalil. Donc là, c'est le premier exemple de celui qui a combattu. Il y a d'accord Allah Ta'ala, man kan yuridu al-ajilata ajana lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Que celui qui veut la vie présente, on lui accorde cela parce qu'il aura voulu. Et par la suite, on l'amènera au feu. C'est-à-dire, cette dunya, elle a voulu donner ce qu'il veut. Tu as voulu là, une bonne réputation, tu as voulu être bien vu, ça a été donné, comme dans le hadith. Qatqila. Mais après, qu'est-ce qui t'arrive ? Pour ta mauvaise intention, tu seras rétribué. Thumma fi nafs al-hadith, zakara ba'd dhalika, wa rajulun ta'allama al-ilm, wa 'allamahu, wa qara'a al-Qur'an, wa utiya bihi li'arifahu ni'amahu fa'arafaha. Maintenant, c'est un autre homme à qui Allah enseigne le Qur'an et que lui l'enseigne aux gens, c'est-à-dire alim. Alim. Après, Allah lui fait reconnaître ses bienfaits sur lui. Que l'homme reconnaîtra. فقال ما علمت فيها كيف تجد سي بيان فيك شتي اكوردي قال قد تعلمت فيك العلم وعلمته وقرات فيك القران الذي جاء ابري لا سيونس pour toi et je l'ai enseigné aux autres et j'ai appris le coran pour toi فقال كذبت tu as menti ولكنك تعلمت ليقال هو عالم. Tu as fait cela pour dire que tu es un savant. On te vante. فقد قيل, ça a été dit, les gens l'ont dit. En ce dernier, on a dit Al-Allama, Al-Sheikh, Al-Faqih, Sheikh Al-Islam, tous les Al-Qab que tu connais. Hein? Et au final, ta niyyah était mauvaise et Allah le savait. Qu'est-ce qui se passe? Finar. Tout ça pour qu'on dise que tu es. Et pareil, ça aussi c'est valable pour ceux qui connaissent le Coran par cœur, toutes les qira'at avec le tajwid, tu vois, mutqin, pour qu'on les gens disent, lui c'est un lecteur, il récite le Coran, masha'Allah. Il l'a fait. C'était quoi sa niya? Allah alam biha. Lakin fi akhir, si jamais il était parmi ceux qui ont une mauvaise niya, yantabik aliya del hadith. Il subit ce que ce hadith cite. Wa thalith, qui cite, c'est un homme, pour abréger, Akira Azawajal, a donné beaucoup de richesses, a été riche. Et quand il y a une fille qui s'appelait Allah, il faisait beaucoup de dépenses. Quand Allah va lui faire reconnaître ses bienfaits, il dit je reconnais. Il a dit qu'as-tu fait que ses bienfaits? Il a dit je dépensais pour toi. Il a dit qu'azabta. Bel fa'alta hatta yuqala annaka karim. Jawad. Pour que les gens disent que tu es généreux, que tu es bienfaisant. Et ça a été dit. Au résultat, au feu. Donc là, ce hadith-là, yubayyin lana anna hadhihi al-a'mal al-thalatha min a'zam ma yakum. Talab al-ilm, la science. Le jihad fi sabilillah. Et la dépense. Et pourtant, regardez, ces gens-là ont fait le meilleur des actes et ont fini avec le pire des châtiments. Pourquoi? À cause de niya, qui était mauvaise. L'acte, il était azim aux yeux des gens. Mais indallah azawajal, un niya fasida. Fasida. C'est même pas, ils l'ont pas fait comme ça sans niya. Ils l'ont fait pour autre que Allah. Biriya. Ostentation. Thumma fil hadith, قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. Celui dont la hijra était pour Allah et son messager, elle sera comptée comme telle. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه. Et celui dont la hijra était pour épouser une femme ou pour obtenir un sabab monde, elle sera comptée comme telle. La fin du hadith. Donc là, l'auteur met l'accent, on va dire le sha'ir Cheikh Fawzan, sur la hijra. Quel Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple, une ibada qui est azima, pour y encourager également, pour montrer son importance. Quel Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ontia jawami al-kalam. Un kalam général, c'est-à-dire avec peu de mots, beaucoup de sens, en entière. On regarde les hadiths, souvent ils sont courts. Et pourtant, on regarde le nombre de fawaid que les ulama étirent. Que nous, on ne voit pas. Al-muhim, un kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, liman ta'allama. Celui qui apprend comment en déduire les règles, et ainsi de suite, il va voir ce que toi tu ne vois pas. Il va déduire ce que toi tu n'auras pas vu. Et c'est ça le fadl ulama. Ubben min fadl al-ulama. Parmi leurs mérites, cela, qui voit ce que tu ne vois pas à travers les textes religieux. Enfin, dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la hijra. C'est-à-dire, ça concerne tout acte. Ce n'est pas que la hijra, le hadith, mais c'est ton exemple, la hijra. Il aurait pu dire avec autre chose. Mais la hijra, déjà pour montrer son importance. Comme a dit le mu'allif, ou le shari'h, il a dit la hijra, il y a l'intikal min belad al-kufr, il y a belad l'islam. Firaran bid-din. Que c'est le fait de se déplacer d'un pays de mécréance vers un pays d'islam en fuyant avec sa religion. Et il dit que c'est parmi les meilleurs des actes. Et qu'elle est liée, la hijra, avec le djihad. Comme a dit ta'ala, inna allazina amanu hajru wa jahadu fi sabilillah. En plein verset, c'est venu. Hein? Ceux qui ont cru, on va dire à la foi, وَهَاجَرُوا c'est-à-dire la foi après t'emmène à quoi? À la hijra. وَجَاهَدُوا et c'est ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand on voit sa biographie, son parcours, en premier lieu il a cru, bien évidemment il a reçu la révélation, il a pris au tawhid à Mecca comme on a pris dans le salat. Lakin كان مستضعفا, il était faible, il le faisait malgré tout comme il pouvait. Ensuite la hijra est venue, il est parti à la Médina, de là il s'est renforcé et c'est de là que les autres emblèmes de l'islam sont arrivés, qu'il a fait le djihad. Pas avant. Aujourd'hui, les gens sont des étapes. Tu vois? Sont des étapes. Il dit, j'ai cru, il veut aller faire le djihad directement. On dit à Wallen, ton djihad, ton premier djihad que tu vas faire, c'est djihad nafsek. En premier lieu. De comprendre c'est quoi le tawhid. Pourquoi tu étais créé. D'appliquer tes obligations en premier lieu, comme il se doit. Et au fur et à mesure, tu t'accordes. Allah yurtika al-tawfiq, comme a dit le hadith Abi Huraira, dans ce même livre qui viendra par la suite, comme a dit Ta'ala, قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Que mon serviteur ne s'est pas approché de moi pour une chose plus aimable de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc en premier lieu, tes obligations. Parce que ton nom, il dit je parle djihad, il se rase la barbe, il se met en tenue de je ne sais pas quoi pour se cacher, il ne fait pas la salate, tu vois. Il dit je veux passer pour aller en Syrie ou aller je ne sais où, et il fait plein de péchés. On dit là, mawa kada. Tu veux faire le djihad, donc commence par les péchés, ton djihad, il est déjà mal parti. Le djihad là-bas, c'est la fin, c'est le summum. Fahimt? Comme a dit le Nabi sallam, zirwat sanamihi, al-djihad. La fin de la chose de l'affaire de l'islam, après la salate qui est le pilier, c'est le djihad. Toi, tu commences par désobéir. Donc, tu es mal barré, comme on dit. Donc, ce djihad, comme on dit, il est arrivé à la fin, après que la hijra, elle était faite. Et aujourd'hui, quelqu'un, tu lui dis, va faire la hijra, il dit, je peux pas. Mais il dit, je peux aller combattre. On dit, je pense pas que tu vas combattre. Si tu n'arrives pas à combattre ton œuvre, c'est rester en pays d'islam. Pour la religion que tu n'arrives pas à appliquer en pays de Kouf, tu ne vas rien faire dans ton ennemi. Ton premier ennemi, déjà, c'est toi, ton S. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui est en toi, comment vas-tu comprendre ce qui est à l'extérieur? Tu ne pourras pas. Et beaucoup pensent que le djihad, c'est, avant d'avoir joué à la PlayStation, à regarder des films, ils pensent que c'est comme dans des films. Voilà, il y en a beaucoup qui sont partis. Des arbres qu'ils ont rapportés, et ils sont revenus bien vite. Ils sont revenus très très vite. Parce qu'ils ont dit, c'est pas un film. C'est pas ce que tu as vu à la télé. Tu as vu tel film avec un tel acteur américain, tel film avec tel acteur, je ne sais d'où, hein, ça explose, ça tire, ça crie, et à la fin c'est le héros, tu tues tout le monde, bah, c'est pas comme ça que ça se passe. Ou tu joues à la PlayStation, tu joues à des jeux, quand c'est fini, tu recommences, c'est pas comme ça. Tu vois. La guerre, c'est quelque chose qui est vraiment, qui demande vraiment, voilà. Même les koufars qui font la guerre, des fois on se demande comment ils y arrivent. Car ils n'ont pas de niya pour le djihad, ils n'ont pas de niya pour Allah subhanahu wa ta'ala. On se demande comment ils font. Tu vois. Comment ils font arriver à faire face à un ennemi? Alors que leur nier, elle est quoi? On ne sait pas c'est quoi. Avoir leur paye. Ta paye, ça sert à quoi si tu te fais tuer? Tes étoiles, tes galons, t'es un héros, je ne sais pas quoi, ça sert à quoi si tu te fais tuer? T'es plus là. Donc, même eux, quand ils font la guerre, j'arrive pas à savoir sur quoi ils se basent quand ils le font. Tu vois. Quoi qu'il en soit, nous, par rapport aux musulmans, hada lillah. Tu vois. Et celui qui ne fait pas le djihad lillah, le hadith, on l'a cité auparavant. Le hadith, on l'a cité auparavant. Qu'est-ce qui lui arrive? Donc, la hijra, il en parle. Et il a bien cité comme condition déplacement de pays de Kufr vers le pays d'Islam pour fuir avec la religion. Pour fuir avec la religion, c'est-à-dire pour la préserver. Wadi al-Hijra, comme on le répète, elle est wajiba pour qui? Pour celui qui est en pays de Kufr et qui n'est pas en mesure d'extérioriser sa religion, c'est-à-dire de faire les choses qui lui sont attendues et en premier lieu son tawhid. Et non pas que les arkan et khams, son tawhid et al-wala wal-bara kadhalik. Et plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Celui qui n'arrive pas à faire cela, il doit partir s'il en a les moyens. Il doit partir. Et sa niya, c'est quoi sa niya? Comme encore le shir nafsouf, en premier lieu, il dit justement qaddama al-muhajirin ala al-ansar fi dhikr wa thana, que Allah Azza wa Jal a fait devancer les muhajirin par rapport aux ansar dans l'éloge, dans les vocations, c'est-à-dire les citer en premier lieu, dans thana. Pourquoi? Car les muhajirin, de façon générale, sont meilleurs que les ansar. Car il dit, justement, ils ont délaissé leur pays, leur maison, leurs biens. Tout cela, pourquoi? Pour secourir Nusratan et Dinillah. D'accord? Fahum afdal min ghayrihim. Ils sont meilleurs que les autres pour cela. Fal hijratu sharafun azim. C'est une noblesse qui est immense. Wa amalun jalil. Un amal, un œuvre qui est splendide. Walakin laysat al-ibra bi surat al-hijra. Wa inama al-ibra bi maqsad sahibiha. Que ce qu'on prend en considération, ce n'est pas le fait du déplacement corporel de ton pays d'islam, de ton pays de Kouf vers un pays d'islam, mais c'était quoi ta niya quand tu l'as fait? Comme le hadith le dit, certains sont partis, pourquoi? Quand on leur a dit, mathalen, ya akhi, je connais un lieu, par exemple, en Algérie, j'ai une terre, on fait un restaurant, on ramène les idées de France là-bas, les gens vont y mettre, on va faire plein d'argent. Elle dit, ah ouais, bien. Et part là-bas. Elle dit, je fais la hijra. Tu vois. Et il se peut que là, le fasse que ce restaurant, il marche. On dit, c'est quoi ta niya? Et si demain, ton restaurant, il échoue, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est là que ta niya va pas être. Il se peut qu'entre-temps, tu aies pris conscience de ce que tu as fait, et tu fais tôt, bah. Tu dis, au début, je suis parti, j'ai pas une bonne niya, mais là, ma niya, elle a changé. Ça arrive. Mais t'en as, la niya, elle change pas. Et le jour où ça échoue, soit il cherche une autre idée pour pouvoir relancer, on va dire, son commerce, ou soit il dit, bah, je rentre en France. On dit, bah toi, ta niya, elle était pas assida. Tu vois. Si jamais tu as fait apparaître que tu es muhajir lillah, maintenant quelqu'un dit moi je suis parti pour du tijara, tu sais, il reconnaît de lui-même, il dit je ne suis pas parti pour la hijra, je suis parti parce que là-bas j'ai des facilités de commerce. C'est tout. On dit khlas. Toi, mais celui qui dit moi je suis muhajir, je suis parti, j'ai quitté la France, j'ai laissé tous mes biens là-bas, j'ai laissé Kaza pour aller dans mon pays de natal, pour Allah, et en fait il est venu pour faire son restaurant, et ça n'a pas marché, il est rentré. On dit toi, marcha alayka le hadith qu'on a cité auparavant là. Tu as fait la hijra pourquoi ? Pour pouvoir avoir des facilités de vivre. Et justement, l'auteur en fait, il fait allusion à cela par rapport à ceux qui quittent le pays de Kufr, prenant comme exemple la sortie des Sahaba vers la Habasha, pour dire on va dans notre pays de Kufr, Akal Darab, qui est de moindre mal. Et comme vous connaissez souvent, c'est l'Angleterre, t'entends l'Angleterre, t'entends le Canada, ou t'entends tel et tel pays. Tu vois ? On le répète, comme l'ont dit les machères, cet istidlal, il est baratel. Il n'est pas vrai. Car déjà, à l'époque où les Sahaba sont partis à la Habasha, il n'y avait pas de terre d'islam. Donc ils n'avaient pas le choix. Ils ont parti choisir la terre qui était la moindre pour eux, celle où il y avait moindre mal, car c'était une terre de Kufr à la base. Mais Najashi, c'était un Nasrani, mais il était adl. Il était juste. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé là-bas, par la révélation là-dessus. Et en même temps, comme l'a dit Cheikh Amin Jami, il a dit en réalité, cette hijra de ces Sahaba, c'était une da'wa. Quand en partant là-bas, c'était quoi la cause ? C'était quoi le résultat ? Najashi aslam. Ils sont arrivés là-bas, ils ne sont pas juste mis, on se cache, on reste, non. Ils n'ont pas rien. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Quand le Najashi les a convoqués, à cause des deux Quraysh qui sont venus faire tahrish entre eux et lui, ils ont expliqué c'est quoi leur religion, qui était Mohammed, et ils ont récité surat Maryam. C'était Ja'far. Il savait qu'il avait affaire à des Nasara. Il a choisi quelle surat ? Celle qui parle de Maryam, de son fils. Et il l'a lu, il l'a récité. À tel point qu'ils ont tous pleuré. Ils ont tous pleuré. C'était quoi qu'il a fait ? Une da'wa. Moi, aujourd'hui, ils vont là-bas, ils restent dans leur coin. La da'wa, c'est Foulen, appelle-le à l'islam. Non, c'est un non-musulman, je le respecte. Kaza, kaza. Bah, dis-lui que c'est un café qui va aller au feu si jamais il meurt. T'arrives à le dire ? Non, j'arrive pas à le dire. Bah, ta présence ici, elle lui est pas utile. T'as pas réussi à le faire en France ? C'est pas là-bas que tu vas le faire non plus. Et ça, parmi les choses de l'Aïja, les ulama le disent, que tu puisses dire un kafir, que c'est un kafir. Maintenant, avec le souffle qui a adapté, tu vois, on a déjà fait un audio par rapport à ça, ça dépend qui t'es en face de toi, ça dépend de la situation, mais tu lui fais comprendre que ce qu'il fait, c'est khatar. Il est dans un danger grave. C'est pas comme si tout va bien. Non, ça va pas, justement. Moi, tu fais comprendre avec sagesse. T'en as, ils ont besoin de dureté, t'en as besoin de risque, et t'en as bihazm, tu vois. Ils font pas ça, eux. Ils vont là-bas pour dire, on a des écoles privées pour les enfants, musulmans, alhamdoulilah, je peux mettre mon hijab, personne m'embête. L'autre dit, je peux aller travailler en kamis, je peux faire mes salawat. On dit, c'est bien, ça, c'est pour toi. Mais la hijra, c'est un an sur le dinillah. Il est où ton secours que t'apporte à la religion ? Ce que tu fais là, ça apporte quoi à la religion ? C'est entre toi et ton Seigneur. Mais pour les autres, ça apporte quoi ? Pour eux, dans le pays où tu vas, là, ça apporte quoi ? Parce que tu fais une darwa réelle, elle n'est pas réelle ta darwa. Tu vois ? Elle n'est pas réelle ta darwa. Donc, quoi qu'il en soit, on dit que s'il part en disant « Ana akhruj firar al-bidini », on dit « T'as le droit ». Mais tu appelles ça une hijra, shar'an, on dit « Là, ça c'est pas vrai, c'est un kazib. C'est un mensonge. » Donc, il faut que les gens ils réalisent cela et qu'ils se réveillent. Que c'est pas en disant que je suis parti en Angleterre que tu crois que tu es un muhajir et que tu vas apporter le secours à l'ange d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis on sait ce qu'il y a dans ce pays-là. Parce qu'on dit, pourquoi t'as choisi l'Angleterre et pas la Côte d'Ivoire, par exemple. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y a encore plus de musulmans et tu peux encore plus faire ta religion. Pourquoi t'es pas parti là-bas, en Côte d'Ivoire? Ou dans plein de pays d'Afrique noire, où tu peux faire ton dîn librement, sans aucune contrainte. Pourquoi t'es parti chercher l'Angleterre? Pourquoi? Comme a dit le hadith, فَمَنْ كَانَ تِجَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا. Celui qui veut la dunya, obtenir des biens de la dunya. C'est ça qu'ils veulent là-bas en général. Un confort. Je veux être musulman. Je vais faire ma religion et je veux mon confort. On dit ça, c'est pas toi qui décide. Le confort, c'est là qui le donne à qui il veut. Il se peut que tu l'aies, il se peut que tu l'aies pas. Et il se peut que tu aies le confort dans les pays les plus pauvres, si elle est à Côte d'Or. Tout comme il se peut que tu aies un pays de couf et tu es la pire des misères. Donc toi, plutôt que, comme on dirait, comme disait Koufar, faire une chose dont tu ne connais pas le résultat, mais une chose dont tu connais le résultat qui est sûr, c'est une bonne niya, et fais l'action comme elle est demandée. Là, tu es sûr auprès d'Allah Azzawajal, Inch'Allah, tu seras accepté. Amal, le confort au repas, ça, tu sais pas ça. Tu sais pas. Et le confort, c'est pas ça qui va forcément te rentrer au Jannah. Et ça, on l'a beaucoup répété, on le répétera encore. Car le zikr, il y a une fois le mu'min. Donc, dans le hadith, lorsqu'il dit, une femme qui veut se marier, par exemple, quelqu'un qui part en paix d'islam, car là-bas, il y a une sœur, mashallah, une autre qui est une sœur célibataire, elle dit, je veux me marier avec un frère, par exemple, de France, kaza wa kaza, tel descriptif, et le frère, elle dit, c'est moi, ça. Il dit, je vais aller vivre là-bas. Tu vois, pour me marier avec Foulena. Et Foulena, elle rentre dans ses cordes, tu vois. Après, il dit, je suis muhajir. On dit, là, t'es parti pour Foulena. S'il n'y a pas Foulena, ils ne seront pas partis. Et comment ça se saura? Il se peut qu'après, avec Foulena, ça ne marche pas bien. Ça se passe mal. Faites dans la machafa, elle. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches notre Foulena, ou généralement, tu vas rentrer. Voilà. Illa man wufiqa li yudrik adal am, thumma yatub yuraja nafsa. Et aussi, kazalik. Ils comprennent ça par la suite. Et leur niya échange, et après, ils corrigent. Donc là, cet ulama ont cité que cette partie du hadith, elle concerne man yusama bi muhajir. Qais. Un homme qui était parti de Médina pour se marier avec une femme qui s'appelait Qais. Le hadith, l'histoire, elle est authentique. Mais la cause du hadith n'est pas celle-ci. Il n'y a aucun délai qui prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit cela en exemple par rapport à Muhajir Qais. On n'a pas de délai par rapport à ça. Mais l'histoire de Muhajir Qais, elle existe. Qu'il est parti pour se marier avec une femme. Fomash Sheikh Mohim, autre chose importante à citer par rapport au hadith. C'est innama al-amal bin niyat kadhalik ma ma'nahu comprendre et différencier bin al-ibadat tumayyiz ba'da an ba'd, c'est-à-dire par ta niya tu distingues par exemple le dhuhr du asr, le asr du maghrib, le maghrib du isha, le wajib du nafil, le mutlaq du muqayyid. Chaque adoration tu la mets à sa place, d'accord? Quelqu'un il vient, il va pas faire le duha à la place du dhuhr. Ça peut être accepté. Il faut qu'il ait niya. Quelle niya? Un niya, de faire le dhuhr. Fi qalbi wajib. Hada min shurut as-salah. La niya. Quand tu rentres, tu fais takbirat al-ihram, dans ton cœur, tu as la niya de faire telle salat. Quand tu fais l'udhu kadhalik. L'udhu, tu fais pourquoi? Tatahhar, yani pour que ta salat soit maqboula. Ama quelqu'un qui vient, il a chaud, il fait l'udhu. Après, il dit, la salade, ah ben j'ai déjà fait l'odo, je vais faire la salade. On dit, non, quand tu as fait l'odo, tu as juste voulu te rafraîchir. Tu n'as pas mis la niya de ta'aboud, tahara. Donc là, ton odo, il est bâti. Si ton odo, il est bâti, ta salade, elle va l'être également. Ou quelqu'un qui va à la mer, il plonge à la piscine, après, il part, il dit, ah, mais c'est jouement aujourd'hui. Khalas, j'ai déjà fait mon roussel. On dit là, quand bien même, tu n'as pas fait, on va dire, toutes les sunanes qui sont. Ta niya, c'était quoi? D'aller te baigner. Et tu n'as pas pensé que ce second que c'était du Jumu'ah. Tu t'en es rappelé après. Donc à ce moment-là, ton rousse n'est pas valable. D'accord? Ton rousse n'est pas valable. Même rousse de Janaba ou le Jumu'ah, quelqu'un qui a fait un rousse de Janaba, après, il s'est rappelé que c'est du Jumu'ah après, et bien ce rousse-là n'est pas valable pour le Jumu'ah. Maintenant, il peut faire les deux ensemble. Il se rappelle qu'il était Junub. Et il s'est dit, c'est le Jumu'ah. Mathalan, c'est le Jumu'ah. Il fait les deux ensemble. Yajda. Avec le khilaf, entre ceux qui voient que est-ce que c'est wajib ou pas de faire le rousseau. Hadi mas'ala ukhra. Hadi mas'ala ukhra. Donc, bien comprendre le hadith, qu'il faut être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala dans nos ibadat. Awalan. Al-ikhlas lillah, fil amal lika yuqbal. Wa thani, tamyiz bain al-ibadat. Que tu distingues entre chaque adoration. Car la niya n'importe ce que tu fais comme adoration. Si la niya n'est pas bonne, tu auras beau faire tous les arkens, tous les piliers, tous les wajibs, tous les sunnahs, l'action ne sera pas acceptée. Tu mets le niya de vor dans l'asr, des fois ça arrive. Mathalan, dans le safar, tajma' bin al-salawat. Tu joues entre les salawat. Tu t'es trompé. Toi, t'es arrivé au asr, tu vas faire le vor après l'asr. Et t'es oublié. Quand tu fais le takbir, tu mets en niya que c'est l'asr. Après, tu te rappelles, ah, mais non, c'est le vor, je ne l'ai pas fait. Ta salat, tu l'arrêtes et tu la recommences. Car à ce moment-là, ça ne sera pas accepté. Car tu as mis niya pour la salade qui n'est pas à sa place à ce moment-là. Elle n'est pas à sa place à ce moment-là. Wa nukmil bi mas'ala wa hiya an niya Mahalluha al-qalb. La niya, son emplacement, c'est où ? Dans le cœur. Comme on le sait. Donc là, ce qui est dans le cœur, bayna wa bayna rabbik. Et ce que des gens ont fait aujourd'hui, qui est at-talaffuz bin niya, le fait de prononcer la niya à voix haute, hadhi bid'a. Quand même, hadhi bid'a. Prononcer la niya avant de faire l'adoration, ce n'est pas une chose qui est légiférée. وَلَمْ يَكُنْ يَفَعَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Après l'auteur ici de cela, le Sha'ir, par rapport au fait que cette personne estadillu nabi za'amu anna l'imam al-Shafi'i qala bi dhalika. Donc en premier lieu, il dit quoi, Sha'ir al-Fawzan? Qala awalan lam yasah an l'imam al-Shafi'i, qu'il a dit cela. D'accord, l'imam al-Shafi'i a dit une autre phrase qui a été mal interprétée. Wa thaniyan, on dit qu'il aurait dit qala walaw sahha an l'imam al-Shafi'i falaysa hujjatan. لأن الإمام الشافعي مجتهد يخطئ ويصيب والحجة في كل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit, même si l'imam Shafi'i l'aurait dit, l'imam Shafi'i c'est un mujtahid qui peut avoir raison comme avoir tort. Il n'est pas un dalil en soi. Donc le fait qu'on dit qu'il l'aurait dit, ce n'est pas une preuve. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, que ce soit Shafi'i ou Ahmed ou Abu Hanifa ou Sufyan al-Thawri ou Mubarak ou qui tu veux parmi les imams, parmi les salafs, qui l'ait dit, ce n'est pas pris en compte. Même le Sahaba. Même si le sahaba son coul khalaf le dalil ou d'autres sahaba ne sont pas d'accord avec lui, son coul n'est pas un argument à prendre en compte. Donc c'est quoi le kalam du Shafi'i? Il dit alladhi ruwiya an ash-Shafi'i annahu qala as-salatu laysat ka'ayriha as-salat la yadkhul fiha illa bi dhikrillah. Il a dit la salat n'est pas comme notre adoration. La salat, on ne rentre par sa salat que par en citant Allah. Et des gens ont interprété, il veut dire la niya. Il dit là, il veut dire le takbir. Takbirat al-ihram. C'est un zikr que tu fais en rentrant. Tu vois, et ce zikr, ce takbirat al-ihram, c'est un rukn parmi les piliers de la salat. Tu es obligé de le faire. Si tu ne fais pas ta salat, elle n'est pas acceptée. Donc il a dit, c'est la seule adoration par laquelle tu commences par ça. Amen. Et tu fais à voix haute. Allahu Akbar. Et quant au fait qu'il est venu dans le hajj, la bek, l'umma la bek, hajjatan umratan, parce qu'on dit dans le hajj, ça, c'est une chose sur laquelle on a un dalil, c'est un nusuk parmi les rites du Hajj. D'accord ? C'est pas le fait de prononcer la niya. Ça, c'est un rite du Hajj. Amma ta niya du Hajj, elle commence bien avant cela. Non. Donc, ce qu'il y a à retenir du hadith, c'est que innama al-a'mal bin niyat, que cela concerne l'ikhlas, en premier lieu, comme yuqal, anna rubba amalin souririn yukabbiru niyatuh. Qu'il se peut qu'une œuvre, elle soit à la base une œuvre qui soit assez modeste et par ta niya elle devient immense. Comme ce hadith de cette femme qui était une bariya, une prostituée de Bani Israël, qui entre au djinnah comment ? En abreuvant un chien. Elle entre au djinnah pour ça. Ou cet homme, taqallaba fil djinnah, hadafa shajara kanatu zil muslimin. Il enlevait un arbre qui gênait la route pour les muslimines. Il entre au djinnah par rapport à ça. Bien sûr, ils avaient le tawhid, ces gens-là. Mais pour dire que le fol qu'ils ont eu, ça a été un acte qui paraît anodin aux yeux. Fala tahkiranna shay'an min 'amalik, ne sous-estimant que de tes œuvres. C'est pas qu'une chose que tu as faite, tu l'as oublié. Et c'est d'ailleurs ce qui demande, c'est que les meilleures œuvres, c'est que tu les oublies si tu peux. Que pour cette œuvre que tu as faite, Allah Azza wa Jalla t'élève en degré de façon trop jannah. Pour un kalam que tu dis, déjà fi hadith. فأنت رب كلمة يرسل يتلفظ به العبد ما يركب بها بالا يدخل الله به الجنة. Une parole que tu as dit que tu n'as même pas rendu compte, elle est au djinnah pour cette parole que tu as dit. Ou le contraire, tu tombes dans le feu pour une parole que tu as dit que tu n'as même pas rendu compte. Et autre chose, on a dit que ce hadith amène également à faire la distinction les œuvres entre elles, différencier ce qui est obligatoire, car même l'obligatoire demande une niya. نعم فهذا الذي أخذنا اليوم من هذا الحديث ونكتفي بهذا وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك